Bonjour! Cette troisième émission de Vous êtes libre ce soir étant programmée en premier passage sur Radio Campus Tours le samedi 6 janvier, j'en profite logiquement pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2007. Au-delà des bonnes résolutions souvent difficiles à tenir, tâchez quand même de rester curieux ou de le devenir. Il y a tellement de projets libres à découvrir et pourquoi pas y participer. Aujourd'hui dans ValCS 3, je reçois Vincent Garnier. Plus précisément, vous allez pouvoir écouter cette interview, réalisée le samedi 16 décembre dernier, via Internet, lui étant à Orléans et moi sur Tours. Tout cela possible à l'aide de la téléphonie sur Internet. Vincent, web développeur indépendant, participe à la vie d'un logiciel libre, PunBB, puisqu'il a été l'un des premiers à traduire une partie du logiciel et mettre à disposition de tous son travail. Au fur et à mesure de la vie du site francophone, d'autres utilisateurs et développeurs l'ont rejoint pour former le site punbb.fr et mettre à disposition de tous les ressources en français concernant ce logiciel. PunBB est donc un forum de discussion PHP rapide et léger. Il est délivré sous la licence GNU/GPL et ses principaux objectifs sont d'être plus rapide, plus léger et graphiquement moins intense comparé à d'autres logiciels de forum. Je laisse place à présent à cet enregistrement qui sera entrecoupé de musique libre, toujours sous licence Creative Commons, avec les liens d'écoute et de téléchargement sur le blog de l'émission à l'adresse www.velcs.info. Vous êtes libre. Ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. Bonjour Vincent Garnier. Bonjour Sylvain. Donc merci d'avoir répondu à mon invitation. Il n'y a pas de quoi. En fait, j'ai souhaité t'interviewer pour deux raisons principalement. À la fois pour ta participation au logiciel libre de forum qui s'appelle PunBB. Et puis également pour l'occasion de parler finalement des standards de l'Internet et puis ce qui va avec au niveau d'accessibilité. D'accord. Donc en quelques mots, raconte-nous un peu ton parcours. Pourquoi finalement tu t'intéresses notamment à l'Internet et puis voilà par rapport à PunBB et tout ça quoi. D'accord. Alors à la base c'est une passion. Donc passer quelques heures sur l'ordinateur. Je me suis très tôt passionné à la création de sites internet. Mmh. Et il y a énormément de logiciels libres pour aider à la création de sites. Ouais. Donc mon parcours, c'est celui d'un autodidacte en fait, qui est arrivé sur internet, qui a cherché, qui a fouiné sur les forums. Mmh. Et voilà, donc j'ai pas de formation à la base en informatique. J'ai tout appris en pratiquant, en fait, ouais, voilà. Comme beaucoup, sachant que de toute façon, les ressources sur le libre sont toujours très nombreuses en plus, quoi, notamment sur Internet. C'est le gros avantage, ouais, des communautés libres qui sont souvent très actives et partagent énormément de connaissances et sont toujours là pour entraider les débutants. Hum. Ouais, dans l'apprentissage. Que ça soit d'un logiciel ou notamment sur Internet, oui, d'un langage de programmation, par exemple. Oui, ouais, tout à fait. Mmh. Et donc, ça m'a amené à découvrir des logiciels, ce qu'on appelle les CMS, donc Content Management System, les systèmes de gestion de contenu, mmh. et qui permettent, via une interface, d'ajouter du contenu à son site. Voilà, sans avoir à bidouiller. À bidouiller dans le code, oui. Mmh. Des systèmes comme ça dans le logiciel libre, il y en a énormément à foison. Donc j'en ai essayé quelques-uns. Donc en France, il y en a un qui est très connu, c'est SPIP, qui est énormément utilisé, notamment dans nos administrations. Et puis j'en ai essayé d'autres comme PostNuke. Et plus récemment, le logiciel de blog .clear. Qui est, je le rappelle, utilisé pour. Le blog de l'émission ValCS, vous êtes libre ce soir. Bon, vous êtes tous invités voilà. à aller faire un tour. À venir à Tours. De toute façon, je rappelle que toutes les émissions, de toute façon, sont disponibles à la fois en téléchargement et même en écoute, puisque depuis la version 2, on peut associer des morceaux musicaux en fait, avec des billets. Et donc, on peut librement écouter sans avoir téléchargé l'émission. Quoi. Voilà. Donc .clear, .clear.net. Ça c'est pour le, oui, ça c'est pour le site de .clear. .clear. Oui. Donc voilà, des logiciels libres, donc codés par des passionnés comme nous. Et je me suis aussi intéressé au logiciel de forum, donc dont notamment un qui est très connu, qui est PHPBB, qui est utilisé par des centaines de milliers de sites, je dirais. Donc d'abord PHPBB, après je me suis intéressé à un autre qui est IPB, une vision de Powerboard, mais qui avait une licence d'utilisation un peu particulière, qu'on pouvait utiliser gratuitement, mais qui n'était pas libre en fait. Ah, on n'avait pas le droit ni de redistribuer, ni de toucher au code. D'accord, oui, le code était fermé, seuls les vrais développeurs en fait pouvaient diffuser leur version sans... Seul l'éditeur en fait pouvait... réutiliser le code et le modifier. D'accord. On n'avait pas le droit de prendre de morceaux de code d'IPB pour faire son propre logiciel, c'est interdit. D'accord. Contrairement au logiciel libre où on peut prendre n'importe quel bout de code, à partir du moment qu'on rediffuse sous une licence libre, on peut tout utiliser, le remodifier, le redistribuer. Voilà, tout à fait. Oui. Et donc finalement, ce logiciel IPB de forum est devenu payant. Entièrement payant et donc plus du tout libre. Oui, à ce moment-là, toi, ça t'a plus forcément intéressé ? Non, ça m'intéressait plus, d'autant plus que à ce moment-là, j'ai trouvé un poste dans une association pour m'occuper du site internet de l'association. Cette association était dans le secteur du handicap, d'accord. Et toujours d'ailleurs. Et, elle s'appelle. C'est quelle association ? Handicap Conseil. D'accord. À Tours. Ok. Et. Donc le but, c'était quand même d'avoir un site accessible aux personnes handicapées. Et donc en l'occurrence, IPB, on parlait de mettre un forum éventuellement, donc chercher un forum qui serait accessible. IPB n'était pas du tout, il n'est toujours pas d'ailleurs. Et donc j'ai fait des recherches, je suis tombé sur un petit forum dont on entendait de plus en plus parler, c'était PunBB. D'accord. Ou PunBB. Oui, c'est à la limite si on prononce en anglais. Oui, ce serait Pun Bibi. Mais bon, Pun Bébé, bon, à la franglaise, c'est bien. Ouais. Et donc, il s'est avéré que ce forum-là est accessible. Son code, il est conçu de telle manière qu'il est accessible. Et c'est un logiciel open source, libre. D'accord. Donc, ce qui permet effectivement de l'améliorer sans cesse. De combler les lacunes qu'un logiciel pourrait avoir par toute une communauté, absolument. Quoi, en fait. Voilà. Donc, pour continuer un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que la partie administration, donc où on gère tous les forums de ce logiciel, n'était pas traduite en français. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai traduit en français et je l'ai mis à disposition de tous en créant un site. Et maintenant, tout le monde peut venir télécharger la version entièrement en français sur punbb.fr. D'accord, oui. punbb.fr. De toute façon, les liens, je les remettrai sur le blog de l'émission. Ok. Mais et donc, tu disais qu'effectivement, on peut tous modifier, apporter notre petite pierre à l'édifice. Oh. Et c'est le cas, puisqu'on a une partie qui s'appelle les mods. Donc, comme ça vient de modification, en fait. Par exemple, PunBB est un logiciel très léger où il y a un minimum de fonctionnalités, de façon à ce qu'il reste léger et rapide. Mais parfois, on peut trouver qu'il manque une fonctionnalité. Donc ce qui se passe, c'est que les utilisateurs, ceux qui sont un peu développeurs, créent des mods et les mettent à disposition de tous. Donc, par exemple, une mod, ça pourrait être... il n'y a pas de système de messagerie privée. D'accord. Donc on en a fait une. On télécharge la mode, on l'installe sur son forum et on a la fonctionnalité en plus. Okay, et ça, le logiciel libre nous permet... Permet de le faire, oui, tout à fait. Oui, ouais, c'est presque qu'on est encouragé à le faire. Oui, parce que le logiciel en soi n'existe que parce qu'il y a des utilisateurs, de toute façon. Un logiciel libre qui n'aurait plus d'utilisateurs, ça serait un logiciel qui n'existerait plus. Et donc, tant que les utilisateurs y trouvent un intérêt, c'est vrai que... pour peu que ça soit des utilisateurs confirmés qui puissent éventuellement participer et s'y sentir investis, à l'élaboration du code, quoi. Tout à fait. Et donc, toi, comme effectivement la version française, en fait, n'existait pas, ça a été ta motivation un peu bah, pour. Ouais. Enfin, la partie administration de la version française, en fait. Oui, voilà, ouais. Au début, oui. Voilà, ouais. Bon, et puis il y avait un petit forum, une petite partie sur le forum officiel de la version anglaise pour les Français. Moi, ce que j'ai fait avec deux, trois autres personnes, c'est de mettre en place un support, une entraide pour tous les francophones, en fait. Voilà, pour calmer. Un site dédié aux francophones. Oui, qui est qu'une seule source. C'est vrai que ça peut aussi faciliter bah, les recherches si effectivement. Quelqu'un découvre PonBB et veut le franciser, parce que par défaut, effectivement, il est en anglais. C'est vrai que c'est plus facile s'il y a une seule source sûre. Voilà, toutes les ressources francophones sont rassemblées. Bien sûr, donc sur PonBB. Sur un même site. Ouais, ok. Thank you. C'était Donnez-moi un verre de Palinka, à retrouver sur la plateforme Jamendo. C'est toujours Vous êtes libre ce soir, et on écoute maintenant la suite de l'interview entre Vincent et moi-même, réalisée le 15 décembre dernier. Donc sinon, je tenais aussi à en fait, interviewer par rapport aux standards. Donc, parce que on a parlé que PunBB, justement, est de respecter les standards. Ouais. Les standards aient été accessibles. Et voilà, et l'accessibilité. C'est deux choses plus ou moins liées, mais qui sont deux choses différentes quand même. Parce que les standards, en fait, donc du W3C, j'avais l'occasion d'en parler, moi, dans, je l'expliquais brièvement dans la dernière émission, dans VLCS2, par rapport au SVG, qui est un standard reconnu par le W3C. Et donc, quand j'en avais parlé par rapport à Inkscape, logiciel d'édition vectorielle. Et donc, effectivement, le W3C... émet aussi des recommandations par rapport au langage pur et dur des pages internet. Voilà. Donc, avec le HTML, le XHTML, voilà, etc. Puisque, en fait, l'inventeur de l'internet tel qu'on le connaît, Tim Berners-Lee, son but c'était de partager de l'information le plus facilement possible avec le plus grand nombre possible. Et donc, il fallait pour ça que d'où qu'on soit, avec quelques machines que ce soit, on puisse partager l'information de la même façon. Et pour ça, il fallait qu'il y ait des protocoles et des normes de communication qui soient établies. Donc Tim Berners-Lee est à la tête du W3C Consortium. Et étant à la tête du W3C, à ce que ces normes soient utilisées par le plus grand nombre. Ouais, voilà, et soient appliquées par tous, quoi. Voilà. Donc les normes, ça permet par exemple que si on arrive à lire nos emails, que un est envoyé par Outlook Express, que moi avec Thunderbird, je puisse le lire. Parce qu'ils utilisent la même norme. La même norme, le même langage. Le même langage, voilà. Et ça a été établi au départ. On dit un email, ça doit être fait comme ça, et tous les clients email, que ce soit Outlook ou Thunderbird ou un autre, comprennent cette norme, ce langage, et de façon à ce que tout le monde puisse, quel que soit le matériel ou le logiciel utilisé, communiquer. Ouais, d'accord. Et ce qui est pas, par exemple, ce qui n'est pas le cas avec la messagerie instantanée. Si on est sur MSN, on peut pas forcément parler avec quelqu'un qui est sous Jabber. Par exemple. Voilà, ouais. Ou même, je crois qu'ils s'étaient rapprochés, par exemple, avec la messagerie d'Yahoo. Normalement, ils doivent pouvoir. La dernière version. Voilà. Oui. Mais effectivement, c'est pas. Généralement, on utilise le mot interopérabilité, qui est un mot entre guillemets à la mode, mais que justement certains utilisent à tort et à travers, en disant peut-être par exemple que MSN est interopérable avec Yahoo, mais faudrait plus employer le mot compatible. Ouais, c'est ça. Parce que MSN, par exemple, n'est pas interopérable avec avec Jabber, quoi. Voilà. C'est vrai que l'interopérabilité, c'est un peu une notion d'universalité, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment avec tout le monde, quoi. Ouais. Une page web classique est interopérable. Oui, par définition, oui. Quel que soit le navigateur, ou même que ce soit sur un téléphone portable, ou une synthèse vocale, par exemple, on va pouvoir lire ce qu'il y a sur cette page web. Donc le W3C tend à mettre en place ces normes pour favoriser l'interopérabilité. Et l'accessibilité, en fait, dans tout ça ? Alors l'accessibilité, donc c'est le même état d'esprit, c'est que tout le monde puisse consulter cette information, même si on est une personne handicapée, même si on ne va pas utiliser un écran avec une souris et un clavier, comme la majorité des internautes. Donc l'exemple le plus classique, c'est une personne aveugle peut aller sur Internet grâce à du matériel spécifique. Donc, généralement, ce sont des plages braille ou une synthèse vocale qui va lire ce que nous voyons à l'écran, va le lire à haute voix, en fait. Ouais, le logiciel va décrypter le code qui est sur la page, le langage HTML, Voilà, absolument. Et puis, le transposer, effectivement. et en audio, et le lire, voilà, le transposer en audio. Donc ça, en théorie, c'est génial, parce que c'est vrai que raison. Ça permet aux gens, effectivement, de pouvoir consulter les informations tout comme chacun, quoi. Voilà, puis d'autant plus, c'est quand même un peu la révolution pour certaines personnes handicapées, parce que un aveugle, il peut pas lire forcément. Et donc c'est vrai qu'avec le web, c'est une porte ouverte sur l'information, la culture, le partage. Mais pour ça, il faut que les pages web respectent les normes, donc que le W3C établi respecte les normes et mette en place un minimum de dispositifs pour que les pages soient le plus accessibles possible. Oui. Donc ça commence, en fait, pour qu'une page soit accessible, ça commence par le respect des normes. Après, il y a différentes choses à mettre en place, mais ça commence par le respect des normes du W3C. Oui, voilà, de toute façon... C'est assez lié. Oui, voilà. Ouais. Donc, disons que l'accessibilité, c'est un petit peu un perfectionnement du respect des normes. On peut dire ça comme ça. Avec éventuellement des petites touches au niveau de la conception de la page, des attentions particulières à apporter éventuellement, pour le rendre encore plus accessible qu'une simple page qui serait juste respectueuse des standards, quoi. Absolument. Par exemple, on peut prendre l'exemple des pages faites en deux colonnes, avec une colonne qui contient le menu et une colonne qui contient le contenu principal. Si on désactive la mise en page et qu'on lit simplement le code brut qu'il y a derrière, et qu'on pense que la personne aveugle utilise une synthèse vocale qui donc lit ligne par ligne de la première ligne en haut à la dernière ligne en bas, si sur toutes les pages le menu apparaît dans le code source avant le contenu de la page, la personne va devoir, entre guillemets, se taper le menu sur toutes les pages. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est pas un gain de temps. Très très pratique. Non, et ça c'est à vrai. Mon avis, au bout de deux pages, dans ces cas-là, la personne passe à autre chose, quoi. Ouais. Parce que le menu, ça y est, elle connaît par cœur, mais elle n'est pas venue sur le site pour le menu, quoi. Si elle en a besoin du menu, elle va savoir le retrouver d'une façon ou d'une autre. Mais c'est important que le contenu apparaisse en premier. Effectivement, donc ça c'est déjà une première notion. C'est un exemple. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Parmi d'autres, on peut citer les acronymes et les abréviations. Si nous, on écrit sur notre page web, par exemple SNCF, si on n'indique pas que c'est un acronyme, la synthèse vocale va dire SNUF, quelque chose comme ça. Ouais. Donc à la radio, ça ne doit pas être très audible et ça ne doit pas non être plus, plus ouais. Sur une synthèse vocale. Donc il faut mettre en place une balise particulière qui dit que ce mot-là est un acronyme. Et donc pour que la synthèse vocale le comprenne. Et l'interprète et que ça traduise bien SNUFE égale SNCF et non pas SNUFE. Il faut dire quand même qu'il y a le W3C a mis en place plusieurs recommandations pour rendre les sites accessibles. Et ces recommandations ont un cycle de, comment dire, de développement ou de... Oui, voilà, d'élaboration. Donc on a eu une première version qui est sortie en 99 et une nouvelle version qui va bientôt sortir, qui est dans la phase terminale de conception. Tous les webmasters, tous les créateurs de sites sont conviés à suivre ces recommandations pour le bien de tous. Oui, voilà. Parce qu'il faut bien penser que si on rend un site accessible pour les minorités que sont les personnes handicapées, c'est en fait on fait du bien à tout le monde, parce qu'un site accessible est généralement plus accessible pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas de handicap. Oui, particulier, oui. Ok. Même au niveau de l'accessibilité, on peut aussi parler de l'obligation qu'ont les sites des institutions aussi, qui se mettent à jour, parce que malheureusement, c'est quand même bien souvent le cas, quand on va sur des sites de mairie, je ne sais pas si on pourra citer des exemples. Celui de la ville de Tours. Hein, par exemple, moi, je pense. Non, mais il y a eu un effort là qui a été fait pour que le site de la ville de Tours soit accessible. D'accord. Apparemment, le webmaster est motivé pour, pour que ce soit accessible. Bon, tant mieux. Mais de toute façon, normalement, même ils ont une obligation. Oui, tout à fait. Je dirais, pour faire le parallèle, l'accessibilité, en fait, en 1975, il y a une loi qui a été votée pour que tous les bâtiments publics soient accessibles aux personnes. Mmh. Et dernièrement, en février 2005, une loi a été votée pour améliorer cette loi de 75. Et notamment, il y a un article qui dit que tous les sites des institutions et des collectivités locales doivent être accessibles dans les 3 années à venir. D'accord, ouais. Donc effectivement, c'est maintenant une obligation de la loi. Ce qu'on fait de toute façon, tous les pays autour de nous, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, tous les pays votent de telles lois pour que les sites soient accessibles. Ouais. C'est vrai que parce que c'est quand même une aberration. C'est vrai que si on y réfléchit, c'est quand même les personnes handicapées qui ont le plus besoin d'aller sur Internet. Une personne handicapée moteur, on le comprend aisément, a beaucoup plus de difficultés à se rendre physiquement à une administration. Donc si le site Internet propose le service sans se déplacer, il est important... Oui, que la personne puisse accéder à ce site. Voilà, puisque c'est finalement elle qui aura peut-être le plus besoin. Ben oui, tout à fait, oui. On parle aussi beaucoup de l'administration en ligne, maintenant, de plus en plus. C'est vrai que l'État cherche quand même aussi à faire des économies quelque part. Et donc, il y a beaucoup de documents, d'imprimés, ou même de démarches qui peuvent être faits sur les sites administratifs respectifs. Et donc, si effectivement, il faut que les webmasters de ces sites gouvernementaux tiennent aussi compte, notamment, de ces standards, pour que les gens puissent y accéder correctement. Quoi. C'est important, ouais. Que tout le monde puisse payer ses impôts par Internet. Par exemple. Sans discrimination de système d'exploitation, de navigateur et autres informations. Alors, il y a du chemin à faire, mais il y a quand même eu d'énormes progrès. Ces 5 dernières années, il y a eu des progrès quand même énormes, même si c'est que le début. Mais il faut quand même souligner qu'il y a eu des efforts et des progrès. Bon, de toute façon, on va faire une pause musicale et puis on se retrouve après à ce moment-là. Ça marche. Vous êtes libre. Ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. venez d'écouter Banshee Downside et le titre Can I Be a Star, à retrouver sur Magnatune. Et à présent, on retrouve la suite de mon entretien avec Vincent Garnier, web développeur indépendant, qui participe au Libre avec le portail francophone de PunBB, entre autres, logiciel de forum. Je lui laisse la parole, on revient notamment sur la notion de standard que l'on retrouve sur Internet avec le W3C. Donc Tim Berners-Lee, après, a fondé le World Wide Web Consortium, W3C Consortium, et qui réunit en fait des professionnels et aussi des industriels du web, de façon à mettre en place des standards, des normes, pour éviter l'écueil qu'on a avec la messagerie instantanée. Voilà, par exemple. Ou qu'on peut connaître même encore aujourd'hui. On disait que tout à l'heure, finalement, là, on est en train d'enregistrer l'émission en VOIP. C'est un peu le cas aussi, malheureusement. Oui. À savoir que y a les logiciels Skype qui existent, qui est un logiciel propriétaire. Dont le format est fermé. Voilà. Et puis, qui ne peut pas communiquer, par exemple, avec OpenWenGo, qui est un peu son concurrent, mais qui, lui, utilise des logiciels libres et un protocole ouvert qui s'appelle Jabber. Au contraire, par exemple, qu'est-ce qui existe encore ? Gtalk, par exemple, qui, lui, utilise, en fait, Même protocole qu'OpenWenGo. Voilà, le même protocole Jabber, quoi. Donc, c'est vrai que ces standards sont extrêmement importants pour l'avenir du web, en fait. Puisque si chaque industriel fait son petit standard, sa petite norme dans son coin, et puis que tous ceux qui utilisent un autre logiciel ne peuvent pas communiquer avec eux, on perd finalement l'essence même du web que Tim Berners-Lee a voulu quand il l'a créé. Oui, qui était que chacun puisse accéder n'importe où il soit, avec n'importe quel outil, voilà. Accéder à l'information, quoi. Voilà. Mmh. Donc sur le web, ça se traduit par les normes, la norme HTML, c'est une norme HTML, donc, qui décrit comment une page web doit être construite, quelles balises HTML sont autorisées, et qu'est-ce qu'elles veulent dire, en fait. Oui. Donc, il y a notamment HTML, mais il y en a plein d'autres. Il y a CSS pour la mise en page des pages web. Mmh. Il y a XML qui est énormément utilisé. Même au-delà, j'allais dire. Oui. Ouais, dans les logiciels, beaucoup de fichiers de configuration sont faits en XML. On peut citer par exemple OpenOffice.org, la suite bureautique, qui utilise du XML, je crois, dans ses formats d'enregistrement des fichiers, quoi, avec l'Open Document, qui est construit en XML finalement. Ouais, puisqu'en fait XML c'est un langage, comment dire, c'est un langage de base, on peut dire, qui permet d'être étendu pour créer de nouveaux langages. C'est un métalangage, en fait. D'accord. Et il permet de créer d'autres langages. Par exemple, HTML était un langage à part et on l'a porté à XML en faisant le XHTML. Donc c'est du HTML à la sauce XML. Ouais, voilà. Puisque XML est le langage de base, la structure, le métalangage, qui permet de créer d'autres langages plus appropriés. On peut parler aussi de la syndication, par exemple. RSS, c'est basé sur XML. C'est finalement un autre langage qui, à la base, utilise XML. Voilà. RSS, on peut faire une petite parenthèse, puisque c'est vrai qu'il... Peu de gens finalement l'utilisent encore, ça tend quand même à être un outil ultra efficace et utile au jour le jour. RSS qui signifie Really Simple Syndication, on pourrait traduire ça tout bêtement en syndication réellement simple. Je crois qu'il y a d'autres traductions aussi, mais c'est le fait en fait de pouvoir s'abonner à un fil d'actualité sur un site internet, dont les blogs utilisent beaucoup d'ailleurs. Et sans rien avoir à faire, en fait, avec un logiciel de lecture de RSS, réceptionner tout seul les articles qui sont mis à jour sur les sites, sans avoir à aller les consulter régulièrement, quoi. Voilà. Par exemple, moi, je sais que j'ai une quinzaine de blogs que je lis régulièrement, enfin quotidiennement même, et je n'ai pas à aller sur les 15 pages sur les 15 sites différents pour voir s'il y a de nouveaux articles. Je suis abonné au fil de cette indication, au fil RSS de chacun de ces blogs, et quand je lance mon agrégateur, le petit logiciel qui va chercher les actualités, je vois directement en un coup d'œil sur quel site il y a de nouveaux articles, et je peux consulter à partir de mon agrégateur ces articles qui viennent d'être publiés. Voilà. Donc le fil RSS aussi, donc qui peut servir par exemple à s'abonner à des articles. Donc de plus en plus de sites quoi les utilisent, les blogs, des sites d'information même. Tous les journaux. Les journaux en ligne les utilisent bien souvent. On peut aussi citer l'exemple du podcast qui permet finalement de mettre à disposition en ligne des fichiers audio qui seront après ultérieurement téléchargés pour mettre sur votre baladeur numérique par exemple. Bien souvent, un vrai logiciel de podcast ira chercher via un flux RSS, en fait, si un nouvel article audio, enfin, on pourrait l'appeler comme ça, a été mis en ligne et pourra le télécharger automatiquement, quoi. Voilà, et tout ça, à la base, c'est du XML, donc voilà. Une norme établie par le W3C. Thank you. C'était Je peux t'oublier de Saint-Jean, un artiste Jamendo. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Campus Tours, dans l'émission Vel'CS, vous êtes libre ce soir, et on écoute la suite de mon interview avec Vincent. De toute façon, on en avait déjà parlé un peu entre nous une fois, mais tu me disais que tu ne te sentais pas forcément l'âme d'un libriste, au sens que, par exemple, que tu utilises toujours Windows au quotidien, et que, à la limite, en parlant de libriste, oui, pourquoi pas, mais pas intégriste non plus, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je trouve qu'il faut trouver quand même une juste mesure. Je vois des personnes qui disent « Ah, c'est pas libre, c'est de la merde ». Non, faut garder quand même un peu de recul. C'est vrai que le libre, c'est formidable. C'est d'ailleurs moi-même, hein, je le promouvois puisque je suis sur PenBB. J'ai créé aussi un logiciel qui s'appelle Pental et qui est distribué sous licence libre. Mais bon, pour certaines choses, je trouve que certains logiciels propriétaires font aussi bien voire mieux, quoi. Et c'est vrai que j'ai du mal à passer à Linux, par exemple. Je trouve excellent, hein. Mais parce que j'ai pas mes repères que j'ai trouvé au fil des années sur Windows, notamment pour la conception de sites web, je retrouve pas mes outils. C'est en bonne voie, les choses avancent, mais c'est pas encore au même niveau, puisqu'il n'y a pas, je dirais, l'artillerie financière que certaines sociétés propriétaires peuvent faire. Non, ouais, parce qu'effectivement, j'ai essayé Linux via la distribution Ubuntu. Donc j'ai trouvé ça très bien. Non seulement c'est gratuit, mais en plus ça marche bien. Mais effectivement, pour le travail, pour le développement de pages web, je retrouve pas forcément les outils qui me paraissent indispensables à l'heure actuelle que j'ai sous Windows, comme par exemple Dreamweaver Macromedia. Faut pas faire de pub. Oui, puisque en plus c'est Adobe maintenant. Ouais, d'ailleurs c'est Adobe. Mais je peux difficilement m'en passer pour créer des pages web, quoi. Attends, c'est sûr qu'il faut reconnaître que certains outils, notamment bien souvent professionnels de toute manière, ne fonctionnent que sur certaines plateformes, notamment Windows. Donc effectivement, c'est difficile souvent pour des professionnels de pouvoir migrer facilement et ne pas retrouver ces outils, même si beaucoup de logiciels ont leur équivalent en libre. On ne le répétera jamais assez. Mais c'est vrai qu'on... Certains outils, quand même, faut reconnaître que, déjà, d'une part, ça fait longtemps qu'ils existent. Ils ont l'expérience, voilà. Et ils ont aussi, quand même, malgré tout... C'est vrai que le fait qu'il soit payant et souvent très cher, ça permet quand même de développer derrière, comparé à un logiciel libre qui finalement est auto-financé, on va dire, et n'a pas ses moyens financiers qui permettent plus de choses. Et par exemple, GIMP, c'est très bien, mais j'arrive pas à m'en servir comme je peux me servir de Photoshop. Photoshop, bah, il a l'expérience et puis il a les moyens financiers derrière. Mais bon, je pense que c'est une question de temps. Bah, de toute façon, c'est vrai que toutes les migrations forcées, entre guillemets, qu'ont pu être faites aux utilisateurs, en général, c'est vrai que ça ne marche pas très bien. Quand on impose l'utilisation d'un logiciel alors qu'on a ses habitudes depuis de nombreuses années avec un autre, c'est vrai que ça ne se passe pas toujours facilement. À la limite, c'est peut-être même pire. Que de le vouloir faire en douceur, parce que finalement l'utilisateur il se braquera et puis Je pense qu'il faut que l'utilisateur vienne de lui-même, comme un peu ce qui s'est passé avec Firefox finalement. Personne n'a forcé à utiliser Firefox, puis on en est à, je crois, les derniers sondages, enfin les dernières statistiques étaient à 25% en Europe d'utilisation. Enfin, 25% même pour la France, oui, 25 ou 28. Ouais, avec des pays qui vont jusqu'à, je sais plus, 33%, presque 40%, il me semble. Ouais, pour les pays nordiques là-haut. Ouais. Et l'Allemagne qui l'utilise pas mal. Bah, c'est vrai que de toute façon, à partir du moment où après les qualités intrinsèques du logiciel sont évidentes et mises en avant, c'est sûr que après l'utilisateur n'est pas idiot non plus, quoi. Utiliser un Firefox lieu d'un autre, Donc c'est pour ça qu'effectivement, oui, j'aime le libre, j'y participe à ma façon, via PenBB ou via logiciel que j'ai créé. C'est vrai que toute la partie, on appelle ça la localisation pour les logiciels, c'est vrai que c'est aussi important, quoi, puisque la majorité des développements se font en anglais, puisqu'on est quand même sur notre petite planète. Il faut que tout le monde puisse un peu communiquer. Et donc, par contre, au niveau de chaque pays, les logiciels libres retrouvent leur but du jeu, c'est par la localisation, puisque l'utilisateur peut avoir le logiciel dans sa propre langue. C'est clair. D'ailleurs, le travail des traducteurs pour Firefox est essentiel dans le succès de Firefox. Oui, exactement. Hein, c'est vrai que je m'étais noté dans un petit coin, c'est bien aussi qu'on en parle, quand Firefox 2 est sorti dernièrement, là, au mois de novembre, il est sorti avec plus de 35 langues le jour de sa sortie. Alors que, par exemple, dans le même temps, Internet Explorer 7, donc de Microsoft, lui n'est sorti qu'en une seule langue, qui était l'anglais. Donc c'est vrai qu'on, à la limite, on peut même se poser des questions. Comment un logiciel libre peut arriver à sortir 35 langues le premier jour de sa sortie, alors que Microsoft, qui a quand même, on le connaît, une bonne puissance financière, n'arrive pas tout de suite à sortir plus de langues avec seulement que l'anglais, quoi. Non, et puis je pense qu'il y a quand même un côté aussi que les gens s'y retrouvent avec cette notion de libre et de gratuit et d'open source. Comparer un petit peu on part un petit peu dans des considérations un peu philosophiques quoi. Mais c'est vrai quand même dans notre société de consommation et de capitalisme dans lequel on vit à l'heure actuelle et qu'on ne peut pas y échapper, c'est vrai que ces logiciels apporte une petite fenêtre de sortie quelque part à cette société, quoi. Oui, bah oui. Je pense que les traducteurs sont aussi motivés par ça. Silence of the snowy street. I just had a bad day. Remember what you said. The phone in the morning. You said you were leaving. That you made a decision. And as I was gone, you desire he was gone. The snow was falling on this empty beach. What we shared was away. And I hadn't had a word to say. The treachery and reason, they sometimes melt into one. I couldn't find a reason to stay. Dressed up like a beauty queen, very often haunt my dreams. I could have forget you. I can't even see through the glass house that's in my mind. And I've been trying to define the way that I've lost you. Well, I'm not just feeling blue, 'cause you were my everything. You were the waves on my shore. And I couldn't have loved you more. I wish I were your shadow, and that you'd let me follow you in the sun and on the rainy day. 'Cause I've learned to swallow, I've paid the price of sorrow, and I'm still paying to this day. Woo-hoo! Vous êtes libre ce soir, présenté par Sylvain sur Radio Campus Tours. Vous venez d'écouter Jouad avec son titre Road to Nowhere. Dernière ligne droite de cette communication téléphonique avec Vincent, avec le petit mot de la fin pour conclure. Vincent, merci d'avoir accepté d'être le premier interviewé dans VLCS. Merci à toi de m'avoir invité. De toute façon, c'est vrai que moi, ça me paraît important aussi de parler quand même des standards et de l'accessibilité, quoi. C'est aussi l'une des missions un peu de Vous êtes libre ce soir, c'est de parler du libre et puis de tout ce qui pourrait s'y rattacher, quoi. C'est une noble mission, alors. Voilà. Donc, on peut te retrouver, en fait, sur les différents sites auxquels tu participes. Donc, on peut reciter PunBB, par exemple. Ouais, PunBB.fr, voilà. PUNBB.fr. Voilà. On peut te retrouver où, éventuellement Sur mon blog. Voilà. Forks.fr, FORX.fr. Et puis j'avais noté éventuellement ton site aussi, Vincent.com. Ouais, ça c'est plus entre guillemets professionnel. Ça devrait être professionnel, mais on ne sait pas. C'est pas complètement terminé. Mais effectivement, si vous cherchez quelqu'un pour créer un site web accessible, je suis là, voilà. Sur Vincent.com, VIN100 en chiffres, .com. .com, voilà. Et puis on peut parler vite fait de Puntal, oui. Qui est donc PUNTAL.fr, qui est en fait un logiciel annexe à PunBB qui permet de créer un portail. Donc c'est un petit système de gestion de contenu. Donc, sortir en version 2 prochainement. Si tout se passe bien, prochainement. Ouais, prochainement. Ok. Bon, voilà, je te remercie encore pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ben, y a pas de quoi. Merci à toi. Et puis de toute façon, je te dis à la prochaine. Hein. Bonne continuation dans tes différents projets. Merci. Merci. Salut. Ciao. We were crazy as loons behind enemy lines, cheering the hometown boys. Caught the finals at some grocery store deli TV, small town Illinois. We loaded up with gas and junk food. The series felt a Superman too. It's not so much the game I was into, baby, I was into you. Drive all night, watch the raindrops scatter in the headlights, and you smile so bright with your face lit up by the dashlight. It was a paperback adventure. You were Annie Oakley and I was Jesse James, and I will love you like the rain. Thread a trail through rivers west and up Highway 1 to Pacific Reach. We got lost in the fog somewhere on Monterey. Woke up camped in the car right on Pebble Beach. And then we drive all night, watch the raindrops scatter in the headlights, and you smile so bright with your face lit up by the dashlight. It was adventure. You were Judy Garland and I was Willie Mays, and I will love you like the rain. Crossing time zones like city blocks, we bathed in rivers and we slept on rocks. Sound of six steel strings ever pulling wood. We'd have stayed out there forever if we could. And then we drive all night, watch the raindrops scatter in the headlights, and you smile so bright with your face lit up by the dashlight. It was adventure. I was Chris Columbus and you were the Queen of Spain, and I will love you. And we can drive all night, watch the raindrops scatter in the headlights and smile so bright with your face all lit up by the dash labels, a paperback adventure with Southside Johnny. We were cool in the game, and I will love you, I will love you, I will love you, yeah, like the rain. Ooh, love you. Ooh. What I Did on My Summer Vacation, tiré de l'album Equilibrium de Shane Jackman, disponible sur la plateforme Magnatune. C'est la fin de ce VLCS numéro 3. Retrouvez-nous sur le blog de l'émission www.vlcs.info pour les liens cités dans l'émission, la programmation musicale et les émissions à écouter en ligne. Les dates de rediffusion seront le vendredi 12 janvier de 9h à 10h, le samedi 20 janvier de 11h à midi et le lundi 22 janvier de 17h à 18h pour un prochain rendez-vous de VLCS le samedi 3 février 2007. Comme nous sommes en janvier, je vous rappelle l'événement du Libre en Touraine, à ne pas manquer, les journées du logiciel libre, qui auront lieu les week-ends des 20 et 21 janvier 2007. Venez nombreux assister aux conférences, participer aux ateliers et découvrir les logiciels libres pour les entreprises et le grand public. Et tout se déroule à l'espace Jean Siana de Tournord, boulevard Maginot. Encore une fois, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et à la prochaine. Ciao !